Chapitre 42. L'employé à l'accueil ouvrit de grands yeux en voyant la jeune femme franchir les portes de la clinique de Paradis et s'avancer d'une démarche titubante. Elle contourna le comptoir pour aller à sa rencontre, fut secouée par l'apparence de la jeune femme. Ses bras et son visage couverts d'ecchymoses d'un rouge presque vif, son nez déformé, l'œil droit à demi fermé. Elle avait du sang dans la bouche et sur ses vêtements, et la lèvre inférieure fendue. Elle sanglotait violemment, et l'employé la prit par les épaules avec d'infinies précautions pour ne pas la brusquer. « Va chercher une équipe, dépêche-toi » lança-t-elle ensuite à une infirmière qui accourait. « du calme, on va s'occuper de vous. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda le médecin 5 minutes plus tard en se penchant sur le brancard où la patiente était étendue. « Il m'a frappé. Il voulait me tuer. » octa-t-elle, sa voix si noyée par les sanglots que le toubib dut la faire répéter. « Qui vous a frappé ? » demanda-t-il. « Il voulait me tuer. » répéta la jeune femme. Il hocha la tête. Il n'obtiendrait rien de plus pour l'instant. Et c'était l'affaire des gendarmes, après tout, pas la sienne, de savoir quelle sorte de salopard avait fait ça. Ce n'étaient pas les ordures qui manquaient. Il en voyait passer quasiment tous les jours. Des faux durs, des pervers, des nuisibles, des malveillants, des médiocres, remplis de leur propre personne et de leur saleté d'égoïsme, et qui s'en prenaient toujours à plus faible qu'eux. À vous désespérer de l'espèce humaine. Son rôle, à lui, c'était de traiter la crise de panique, en persuadant la patiente qu'elle était hors de danger, de faire en sorte qu'elle le soit vraiment, et de la soigner. « Vous ne risquez plus rien, » dit-il d'une voix apaisante. « Vous voulez que nous prévenions quelqu'un ?»« Non, personne. » Elle semblait déjà recouvrer son calme, l'effet habituel placebo du médecin. Il pivota vers les infirmières. « Appelez la gendarmerie, dites-leur de ne pas traîner. Et faites passer le mot. Pas d'anxiolytique pour le moment. Pas tant qu'on ne lui a pas fait une prise de sang. On va vous emmener et examiner vos blessures, » dit-il à la patiente du même ton lénifiant. « Comment vous vous appelez ?»« Judith. Judith Talandier. » Servaz venait de leur faire le résumé de ce qu'ils avaient appris à Paris. Les regards étaient dubitatifs. Un film d'horreur, un tournage maudit, un film jamais diffusé, une actrice harcelée et peut-être un snuff movie, c'est tout ce que vous avez trouvé, semblait-il penser. Ils avaient raison. Il était trop tôt pour tirer des conclusions. Et les élucubrations de Maximilien Rennes, si intéressantes fussent-elles, n'étaient peut-être justement que ça, des élucubrations. Des rumeurs de genre, on en entend pour tous les films d'horreur, rétorqua Samira Cheung en soupirant. « Pas d'accord, » objecta Gadebois qui, décidément, était dans un grand jour. « C'est vrai, on a tous entendu parler de ces films qui se traînent une réputation de films maudits à cause d'incidents et de morts bizarres pendant le tournage. La saga Poltergeist, par exemple, qui parle des malheurs d'une famille dont la maison est hantée. Durant le tournage du premier volet, l'actrice Dominique Dune a été victime d'une tentative de meurtre de la part de son compagnon, lequel a fini par réussir à la tuer quelques mois plus tard. Deux des acteurs principaux sont décédés peu après la fin du tournage, l'un d'un cancer de l'estomac, l'autre de complications post-opératoires. Et la jeune actrice Heather O'Rourke, la ravissante fillette blonde qui apparaît sur toutes les affiches, décédera à l'âge de 12 ans d'une sténose intestinale. « Mythe, légende urbaine !» répliqua Samira. « Ou marketing de la part des diffuseurs. Ces faits-là sont avérés et bien connus, » protesta Gadebois. Et puis, il y a la malédiction qui mérite bien son nom, dans lequel Gregory Peck joue un ambassadeur des États-Unis qui découvre que son fils adopté dans un couvent italien n'est autre que l'Antéchrist. Les avions de Gregory Peck et du scénariste qui se rendait à Londres pour le tournage furent tous deux frappés par la foudre. Les Rottweiler du film, censés incarner des chiens diaboliques, firent quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Ils attaquèrent leur dresseur. Le restaurant de l'hôtel où se trouvait Richard Donner, le réalisateur et une partie de l'équipe, fut victime d'un attentat de l'IRA. Après le tournage de plusieurs scènes en Israël, Gregory Peck annula au dernier moment un vol privé qu'il devait prendre et l'avion fut emprunté par un groupe d'hommes d'affaires japonais. Ils n'arrivèrent jamais à destination, l'avion se crasha. Enfin, le 13 août 1976, le responsable des effets visuels, John Richardson, qui avait préparé la scène de décapitation, eut un terrible accident avec sa femme au cours duquel elle fut mortellement frappée à la tête. Richardson affirmera avoir aperçu un panneau de signalisation indiquant la direction d'une petite ville, Omen. Vie Omen, c'est le titre original de La Malédiction. Ne me dis pas que tu crois à ces chimères, s'insurgea Samira. Il y a toujours des accidents sur les tournages. Plus un tournage dure longtemps, plus la probabilité qu'il y en ait augmente. Et l'exorciste, continua-t-il. L'actrice principale elle-même, Helen Burstyn, a évoqué les nombreux incidents qui ont émaillé le tournage. Incendie sur le plateau, mort de pas moins de 9 personnes, accident du fils d'un des acteurs principaux, celui qui jouait le prêtre Damien Carras, renversé par une moto sur une plage. Et Rosemary's Baby, vous connaissez l'histoire, je suppose, poursuivit Gadebois, définitivement lancé. Un jeune couple s'installe dans un vieil immeuble de New York occupé par une secte sataniste. La femme ignore que son mari, en échange d'une brillante carrière d'acteur, a adhéré à la secte. L'idée du film est venue au célèbre producteur de films d'horreur, William Castle, après la lecture du roman d'Ira Levin. Il confia la réalisation à un jeune cinéaste presque inconnu, Roman Polanski. Le film eut un retentissement considérable, mais connut aussi une étrange postérité. D'abord, Castle fut hospitalisé pour une série de calculs rénaux, et pendant qu'il était à l'hôpital, le compositeur de la musique du film, Christophe Komeda, fut hospitalisé dans le même établissement, victime d'une mauvaise chute dans les collines de Beverly Hills, chute dont il mourra. Quand Castle sortit de l'hôpital, ce fut pour découvrir dans les journaux l'épouvantable tragédie du massacre de Sharon Tate, l'épouse de Polanski et de ses amis par la secte de Charles Manson. Enfin, l'immeuble maudit du film, plein de tours et de gargouilles, n'est autre que le Dakota Building, au pied duquel John Lennon sera assassiné. Coïncidence, insista Samira. Est-ce qu'on pourrait revenir à nos moutons, intervint Servaz. Moi j'ai du concret, déclara-t-elle. Il se tourna vers son adjointe. J'ai interrogé la première des deux infirmières qui sont entrées dans le pavillon de Stan Duvels et Jonas Résimont après le passage du docteur Rollin. D'après elle, il dormait. Voilà pourquoi elle est ressortie presque aussitôt. Et la seconde? Il n'y avait aucune autre infirmière inscrite au planning des visites ce soir-là, leur annonça Samira. Elle avait demandé qu'on repasse la vidéo de surveillance de l'hôpital Camelot. Un des membres du groupe la projetait en accéléré sur un écran blanc au fond de la salle de réunion. « Là !» dit-elle soudain. « Stop !» L'enquêteur figea l'image sur la deuxième infirmière qui entrait dans le champ. « Image par image, tu peux ?» demanda-t-elle. Le flic s'exécuta. Après quelques instants où elle progressa par saccade sans jamais tourner son visage vers la caméra, l'infirmière appuya sur le bouton poussoir à droite de la porte. Accélère jusqu'au moment où elle ressort, lui enjoignit Samira. Il la vit réapparaître quelques secondes plus tard, qui était en réalité 10 minutes, visage baissé. Stop ! Lança la fliquette. Une nouvelle fois, l'image se figea. La silhouette gardait le visage incliné et elle portait des lunettes au vert teinté. Elle sait exactement où est la caméra, conclut Samira en se tournant vers Martin. Elle baisse la tête dès qu'elle entre dans le champ. Elle ou il, précisa-t-il. Regarde la mèche sur le front. Samira plissa les paupières, une grande mèche de cheveux raides balayait le front de l'infirmière, et sa coiffure avait un côté trop apprêté, comme si elle l'avait aspergé de laque. Ça pourrait être une perruque, confirma-t-elle en hochant la tête. Donc nous avons une personne qui s'est fait passer pour une infirmière. « Ça n'explique toujours pas comment Jonas Résimont a fait pour s'évader sans être filmé », rappela-t-il. « Imprimer des copies de l'image quand elle, il ressort, à l'instant où elle, il franchit le seuil, et aller prendre des mesures sur place, on aura au moins une idée de la taille de cette personne. Beau travail, une vibration dans sa poche. Il faillit ne pas répondre, mais il attendait le coup de fil d'Espé. Il sortit son téléphone, c'était Charlène. Martin, tu as eu Vincent ce matin ? Il hésita, décela une nuance d'inquiétude dans la voix de Charlène. Non, pas encore. Pourquoi ? Je l'ai appelé à 3 reprises et il n'a pas répondu. Je lui ai laissé 2 messages sur WhatsApp et je vois qu'il n'y a qu'une seule coche, comme si son téléphone était éteint ou qu'il n'avait pas de réseau. Hier soir, il m'a dit qu'il devait sortir pour les besoins d'une enquête. Il se dirigea vers la porte pour s'isoler. C'est exact. Ne t'inquiète pas, il doit être en train de dormir. Il devait effectuer une surveillance de nuit. Pourquoi tu n'es pas avec lui ? J'ai dû rentrer en urgence. Une autre affaire ici. Il était tout seul cette nuit ? Oui. Un silence, pendant lequel il sentit qu'il commençait lui-même à se tendre. C'était sans danger, Martin ? Bien sûr, dit-il. Je ne l'aurais pas laissé y aller seul dans le cas contraire. Mais en était-il si sûr ? Et où était SP, bon sang ? Pourquoi ne répondait-il pas ? Même s'il dormait, il aurait dû laisser son téléphone allumé. « Ne t'inquiète pas, » répéta-t-il. « Il ne va pas tarder à te rappeler. Il a dû s'endormir très tard. »« D'accord. Tu lui dis de m'appeler si tu arrives à le joindre en premier ?»« Compte sur moi. » Il consulta sa montre, 12h30. « Putain, Vincent, qu'est-ce que tu fous ?» Il composa le numéro de son adjoint, tomba sur le répondeur. « Vincent, » dit-il, « c'est Martin, rappelle-moi dès que tu auras écouté ce message, d'accord ? »